Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. On va parler avec Bernard Barré, puisqu'il s'est passé une grosse surprise dans le monde de la boxe. Ça s'est déroulé samedi soir. C'était l'entrée en scène d'Anthony Joshua qui c'était son premier combat en Amérique du Nord. Et c'était pas un combat vraiment de routine. Quoi qu'il en soit, il s'est fait passer le chaos contre un homme vraiment Andy Ruiz fils. Et ça change toute la boxe, parce qu'il y avait des gros combats en vue. On en parle avec notre ami Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, effectivement, c'était ça change. C'est l'une des grosses surprises de l'histoire de la boxe, hein? Ouais, sans aucun doute. Les cotes étaient, à un moment donné, une journée avant, à 33 contre 1. Ça a l'air que ça finit à 23 contre 1. Mais tu sais, il n'y a pas grand monde donnant des chances à Ruiz. Ruiz, qui est quand même un bon boxeur. Moi, j'avais une petite doute, parce qu'il avait donné tout un combat au boxeur de la Nouvelle-Zélande et un adversaire que Joshua avait quand même, Jason Parker, respecté, tu sais. C'est avec un bon combat. Et Parker, c'est un dieu de dieu, c'est aussi une grande carrière amateur. Et Andy Ruiz, ben lui, quand tu regardais un petit peu sa carrière amateur, il avait tenté de se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin. Il avait fait la même run un peu que Alvarez et Ribas. Je l'avais vu à Chicago, au championnat du monde amateur en 2007, et il avait perdu... Il s'est fait arrêter contre Michael Hunter, qui est un des aspirants actuellement, là, des capitaines mondiales, l'Américain Michael Hunter Jr. Et après ça, je l'avais vu aux qualifications à Trinidad, et il s'est fait battre contre le Cubain, qui était largement favori. Et par la suite, ben au Guatemala, la dernière qualification, il a gagné son premier combat avant de perdre 16-4 contre qui? Contre Oscar Rivas. Okay. Qui lui s'était qualifié pour les Jeux olympiques. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas pu participer aux Jeux olympiques. Et là, quand on regarde sa fiche chez les professionnels, il y a des victoires, mais à part Joseph Parker, on n'a pas des grands noms. Donc, personne n'y donnait vraiment des chances, surtout qu'il était désavantagé pour au niveau du poids, mais Max, son poids est un peu bedonnant. Il était près de 270 livres, mais d'un autre côté, c'est un gars qui dépasse à peine 6 pieds, alors que Joshua est à 6 pieds 6. Donc, on ne s'attendait pas à ça. Et finalement, quand il s'est retrouvé debout au troisième round, on a dit, moi, mais là, c'est une idée de la fin. Il s'est fait pincer solidement par un crochet. Et quand ça nommait avant. Puis là, à partir de là, ben là, la bataille a pogné. Là. C'est comme si Joshua s'est dit, bon, ben là, on va le finir. Donc, il a boxé au niveau de Ruiz et il s'est retrouvé deux fois au tapis. Et okay. Finalement, ben après, ça a été très compétitif avant le 7e round, où là, on a senti Joshua complètement vidé. Ce qu'on peut retenir de ce combat-là, c'est son premier combat à l'extérieur de la notaire. Et puis, tu sais, nous autres, on dit quand on va là-bas, on a peur au décalage horaire, on a peur. Bon, moi, j'ai pas tous les détails. C'est sûr que sa préparation devait être quand même très, très bonne, parce que t'as le sérieux du gars. Le gars était médaillé d'or olympique. Et puis, le champion du monde incontesté, il joue dans des millions, puis il y en a plusieurs millions, une machine à millions. Donc, je ne mets pas en doute sa préparation physique, mais j'ai l'impression que peut-être que le décalage horaire a joué en sa défaveur, parce qu'il était vraiment flat, là, comme on dit. Là, ses mains revenaient basses. Il n'y avait pas de vigueur, il n'était pas vigoureux. À mesure qu'il s'est fait frapper solidement, il a ramolli rapidement. Donc là, on va en savoir plus dans les prochains jours, les prochaines semaines. Là, ils vont en sortir des affaires. On va peut-être en savoir plus. Mais là, c'est certain qu'on n'a pas vu la même chose soit qu'on voit aussi fringant quand il boxe chez lui en Angleterre. Là. Il y a des choses soit qui a terrassé Vladimir Klitschko. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce qu'il l'a pris quand même à la légère? Probablement. Oui, hein? Probablement, mais comme là, je ne mets pas en doute sa préparation physique, comme j'ai dit, mais moi, j'ai l'impression que celui, son préparateur, peut-être mal calculé, là, je ne sais pas combien de temps il est arrivé avant, là. Je cherche un petit peu là, à savoir, mais tu sais, des fois, là, le décalage horaire, ça ne joue pas avec son côté, là. C'est pas une chose quand on s'en va là-bas, là. Mais non. Aussi, quand ils s'en viennent ici, c'est la même affaire, là. Donc, on le reconnaissait pas, on le sentait faible. Et c'était vraiment décevant, mais c'est sûr que là, d'un côté pour Wiz, là, c'est le combat de sa vie, là. Il vient de se mettre au monde, là. Là, c'est un combat millionnaire pour lui, mais là, c'est multimillionnaire pour le prochain. Il va sûrement avoir une revanche. On va s'organiser, bien entendu. Il va assurément avoir une revanche. C'est sûr que c'est à un contrat. On s'est protégé. Et on va sûrement amener Ruiz en Angleterre, qui va lui avoir à jouer à l'envers un petit peu de ce que Joshua a fait. Donc, ça risque d'être peut-être une reprise de Rackman, Lennox Lewis, là, au moment où le combat avait lieu en Afrique du Sud, et Rackman est arrivé beaucoup, beaucoup en avance. Alors que Lewis lui tournait un film, était arrivé à la dernière minute, était mort, un peu à l'image de Joshua, il s'est fait passer dans la carte en début de combat avant de prendre sa revanche de la même façon quelques mois plus tard. Donc c'est comparable à ça, là. C'est comparable à Shane Blackman contre Lennox Lewis, c'est comparable à Buster Douglas contre Mike Tyson, c'est comparable à tout ça, là. Ouais, ben le Buster Douglas, c'est un petit peu la même chose. Ses adversaires étaient sûrs en début de combat. Tu sais, 2 rounds, 3 rounds, 4 rounds, 5 rounds, tout est fini. Donc, quand tu fais ça régulièrement, ben, l'entraînement, tu coupes un round ici, l'entraînement, coupes un round là. Donc, tu es tellement confiant. Tu sais, pourquoi m'entraîner pour 12 rounds d'enfer quand j'en fais pas 5? Donc, est-ce que ça rajoute? Là, j'en doute, parce que me semble un gars intelligent. Mais moi, je me méfie plus un peu du décalage horaire et peut-être un mal calcul, là, un mauvais calcul par rapport à ça, parce que c'était mère venait basse dans son jambe et sa main en avant revenait toujours aux hanches. Okay. C'était comme une invitation à se faire foirer la face avec une main droite. Ouais. Bernard, ça veut dire quoi, là? Parce que là, je l'ai dit d'entrée de jeu, je sais pas si tu m'écoutais d'entrée de jeu, il y avait tout que des pourparlers. On parlait de combat Wilder-Joshua en 2020. Là, c'est confirmé, on l'a confirmé la semaine passée qu'il y aura un combat entre Wilder et Fury, mais là, c'est un non-invité, Ruiz, qui arrive, là. Ça va changer quoi, là, à la routine? Lui, Joshua, il vient-tu de reculer d'un an ou deux? Ben là, c'est définitivement, là. On a sorti aujourd'hui les cotes pour la revanche, et là, on est loin du 33 contre 1, là. Ça va jouer 4-5 contre 1, toujours en faveur de Joshua, mais ça va le jouer pas mal plus serré, parce que là, la confiance est du côté de Ruiz, là, du fait que, il a réussi à le passer dans le cadre, le gars va se dire, hey, on va recommencer ça, moi, là, on va me payer à la traite, mais comme je te dis, l'atmosphère va être pas mal plus différente en Angleterre, parce que là, d'après moi, là, c'est certain que ça va se passer dans les terres à Joshua, et ils vont remplir la place, un stade à quelque part, 90 000 personnes, et là, on va avoir une préparation optimale. Donc, sur papier, le talent d'un par rapport à l'autre, on sait bien que Joshua est avantagé à ce niveau-là. Mais oui, c'est un jeu de jeu. Je t'ai parlé tout à l'heure, il n'avait pas réussi à se qualifier. C'est pas mal 16-4 contre Oscar Rivas, là. Puis il n'a pas qualifié pour les Jeux Olympiques de Pékin. Et il est encore là. Il est encore là 11 ans plus tard. Puis là, il est maintenant champion du monde. Fait que, tu sais, là, ce gars-là, là, il a une détermination à toute épreuve, là. C'est un gars solide, là. Okay. Puis, il est allé au tapis, là. C'est la première fois qu'il est allé au tapis au troisième rang en 33 combats professionnels, là. OK. Est-ce que le fait de boxer aux États-Unis la première fois, ça a pu avoir un impact, nervosité, mauvaise préparation? Le fait d'être aux États-Unis, ben, t'as parlé du décalage horaire dans l'entrée de jeu, mais est-ce que ça peut avoir un impact? Sûrement. Sans aucun doute. C'est certain que Joshua, dans sa carrière amateur, il s'est promené. Le gars, il représentait l'Angleterre avant d'aller aux Jeux Olympiques. Il a fini de payer une couple de fois, puis il a fini de continent une couple de fois. Mais d'un autre côté, c'est loin tout ça. Là. On monte en 2008, là, je veux dire en 2012. Donc, c'est certain en 2012. Donc, il s'est passé beaucoup, beaucoup d'années depuis 2012. C'est passé 7 ans. Donc, pour lui, peut-être que ses souvenirs de ça, de décalage horaire, puis comment on se sent quand on n'est pas chez nous. Mais là, la c'est foule, parce déjà que loin. En Angleterre, la foule est très hostile pour l'adversaire. T'avais pas ça. Mais Ruiz, c'est un Mexicain, hein. Fait quand j'ai dit qu'il avait essayé de se qualifier pour les Olympiques en 2008, même s'il reste aux États-Unis, il était champion du Mexique à ce moment-là. Il avait essayé de se qualifier pour le Mexique. Mais là, il est aux États-Unis depuis plusieurs années. Mais quand on regarde un peu le bonhomme, ce qu'on connaît de lui, au niveau de l'intimidé, ça semble pas être facile d'intimider un Ruiz. Quand il est arrivé dans le centre du ring, là, puis l'autre avait une tête de plus que lui. Là. Il n'y a pas l'air d'un gars qui a peur avant tout. Effectivement. Ça peut être aussi un. Ça peut-tu être un aussi. Parce que moi, je me rappelle de Vernon Forrest contre Shane Mosley. À deux reprises, Mosley, qui était considéré le meilleur boxeur, un des meilleurs avec Oscar de la Hoya à l'époque, Forrest l'avait battu deux fois. Ça peut-tu arriver qu'un boxeur soit un même bête noir, sûrement? Ah oui, oui. Tellement il avait un bon point. Là. Vernon Forrest, pas grand monde, il donnait des chances contre Mosley. Ouais. Il l'avait déjà battu chez des amateurs. Puis lui, là, il pensait qu'il avait la recette. Puis c'est ça qui est arrivé, il avait la recette. Donc, tu sais, effectivement, à un moment donné, dans le monde de la boxe, question de style, ça ne peut être noir. Mais là, on n'en est probablement pas là. Là. Moi, il y a pas mal de choses. Là. Comme je le dis, il y a eu un problème de préparation. À quel niveau? Là. Moi, je vous donnais mon opinion, ça va peut-être être autre chose. Entendez-vous à entendre beaucoup d'excuses dans les prochains jours et les prochaines semaines. OK. Dis-moi en terminant, Marie-Ève Diquez, on va en reparler, je vais te rappeler d'ici à ce temps-là, mais elle va se battre le 28. Et est-ce qu'on peut considérer que c'est à la TV à la carte, c'est un pari que le groupe Jim a pris, hein? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, on s'en va au casino. On n'est pas certain encore que Marie-Ève Diquez a tout ce qu'il faut pour vendre une grande salle, remplir une grande salle, mettre du monde. C'est de valeur, parce qu'elle est vraiment bonne. Elle est charismatique. Ouais, c'est bonne. Elle est charismatique. On a le choix, là. Là, on mise sur elle pour le pay-per-view, la télé payante, et là, on va voir ce que ça va donner. C'est une étape dans sa carrière, et Casino, ben là, c'est tout vendu, là. Ça, c'est bien évident. Il rentre 705 personnes, pas une de plus. Donc, c'est déjà réglé. Mais c'est elle de continuer à être aussi bonne qu'elle nous l'a démontré dans ses derniers combats. Deuxième défense. Et elle a une bonne adversaire devant elle. Ça devrait être super intéressant. Et ça va sûrement attirer des gens qui ne pouvant pas y aller, vont acheter la télé, puis ils vont acheter la carte, puis ils vont être intéressés par ce programme-là avec Mikael Juski en demi-finale. Oui, effectivement. Ben non, on s'en reparle bientôt. Ça fait plaisir. Bye-bye. Collaborateur Benoît.